nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Vous êtes bien sur RKB avec Anne et Henri. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvué. On en est rendu à l'émission 438. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Henri? Alors, aujourd'hui, je pensais parler d'un mot qui est pratiquement le même qu'en français, qui est le mot quantique. Mais accentué plus fort en breton, hantique, puisque c'est un mot masculin, donc avec après l'article, donc qui prend une mutation, qui est le KCH. Et donc, ça donne hantik. Oui, un mot masculin. Normalement, le KCH, ce serait pas vraiment une mutation, mais enfin, ça fait quand même le même effet, quoi, puisque c'est un mot masculin. Voilà, donc, quantique, alors avec un K à l'avant et un K à l'arrière. Hein. Et donc, c'est un mot masculin, comme je l'ai dit, qui vient du latin « quanticum ». Et ce mot latin désignait un chant religieux en général, pas forcément ce qu'on appelle aujourd'hui un cantique. Alors, ça a pris un sens de chant religieux en langue commune, ou on dit aussi en langue vulgaire, hein, donc, c'est-à-dire des chants religieux qui ne sont pas en latin. Et aujourd'hui, quand on parle de cantique, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il y a eu un mouvement, parce que, autrefois, disons avant la Renaissance, pratiquement tout était fait en latin. Donc il y avait pratiquement pas de, à part peut-être quelques guerres, mais on ne sait pas trop si elles étaient vraiment chantées dans les églises. Il y avait des guerres religieuses très très longues, mais on ne sait pas trop si elles étaient vraiment chantées dans l'église. Donc il y a eu un mouvement en particulier en Allemagne, qui a donné naissance d'ailleurs, enfin qui a été simultané au protestantisme, hein, puisque c'est Martin Luther, donc qui a été le premier à faire des cantiques en allemand. Mmh. Donc c'était une rupture par rapport à l'omniprésence du latin. Et qui était moine, hein, au départ, moine catholique, moine augustin, et puis qui est passé, qui a fondé sa propre religion, enfin, ou sa variante religieuse. Et alors, en Bretagne, on a eu un peu le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a des missionnaires, des jésuites, hein, qui ont créé, en fait, en s'inspirant des guerres religieuses, mais qui ont créé le cantique breton. C'était le père Michel de Noblets, hein, et puis surtout le père Monnoir. Le père Monnoir qui a été le premier a publié, hein, en 1641 un recueil de cantiques bretons, hein, cantiques ou spirituels. Mmh. Et donc à partir de là, il y a eu une floraison de cantiques. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis, de prêtres surtout, hein, mais il n'y a pas que des prêtres, qui se sont mis à écrire des cantiques. Hein. Donc il y a aujourd'hui un nombre de cantiques absolument énorme en breton, hein, et c'est une littérature qui est très intéressante. Alors ils sont plus ou moins bien écrits, hein, bien sûr. Il y a eu, comme dans le tout, hein, il y a eu du bon et du moins bon, quoi. Mais il y en a qui sont très très bien écrits, quoi. Et en plus, alors ça a eu deux effets. Ça, d'une part, on a conservé des airs de guerres qui autrement se seraient perdus. Donc, il y a énormément d'airs de cantiques qui sont des airs de guerres, hein. Par exemple, le cantique de Bulat, qui a été fait par l'abbé Le Gall, hein, qui était de Saint-Servais, en 1892, a repris deux airs du Barzaz-Breiz. Donc, un pour le couplet et un pour les couplets et un pour le refrain. Alors, justement, quand on parle du refrain, la différence entre une guerre et un cantique, c'est que dans le cantique, il y a un refrain. Et ça, c'était l'idée de ces missionnaires jésuites, c'est-à-dire d'avoir un refrain facile à apprendre, que tout le monde puisse reprendre, et donc qu'il y a en fait des solistes, et puis la foule qui reprend le refrain. En fait, comme on chantait souvent les mêmes cantiques, les gens connaissaient la totalité du texte, hein, et donc la notion de soliste disparaissait, les gens chantaient tout, hein. Mais il y a toujours ce refrain quand même. Voilà. Alors il y a eu des Alors je disais tout à l'heure, hein, la plupart des gens qui ont écrit des cantiques, c'était des prêtres. Il y a quand même quelques exceptions, par exemple Philomela Cadoret, hein, donc qui était une laïque, hein, et donc qui a écrit des cantiques aussi, quoi. Qui a écrit beaucoup de choses, mais également des cantiques. Et puis, généralement, quand même, c'était des prêtres. Alors, il y en a certains qui ont été très prolifiques. Par exemple, Claude Guittorel, hein, qui a été un an recteur de Pemrite, en 1880 et 1882, mais il a surtout été recteur de Guarec. Et il avait publié un recueil de cantiques pour l'évêché de Saint-Brieuc-et-Tréguier, donc qui a été réédité très souvent, et dans laquelle il s'était fait la part belle, hein. Il y avait des cantiques faits par d'autres personnes, mais il y avait beaucoup de cantiques qui étaient faits par lui-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup d'autres, hein, qui ont fait des cantiques, par exemple, plus près de nous, par exemple, Joseph Serrandour, hein, qui aussi a été recteur de Pemrite et qui est mort recteur de Diotte en 1947, qui a écrit beaucoup de cantiques, dont pas mal sur l'air des missions en Toledo, là. Par exemple, celui de Saint-Cado à Pemrite, c'est sur cette terre-là. Le cantique à Sainte-Cécile aussi. Bon, il y avait Bertrand Loyer aussi, hein, qui a été vicaire à Beaubriac et recteur à Saint-Nicolas, qui a écrit beaucoup de cantiques. Et puis l'abbé Lorenker aussi, hein, qui était un prêtre missionnaire. Voilà. Donc toute une littérature. Alors, je parle de ça aussi parce que il y a beaucoup de ces cantiques qui sont en grand danger, puisque surtout les cantiques de chapelle, puisque certains d'ailleurs ont disparu complètement, hein, parce que on a fait le ménage dans les sacristies et puis on a mis ça au feu, quoi. Mmh. Donc il y a urgence. Alors il y a bien sûr, heureusement, il y a des gens qui travaillent là-dessus, hein, Anofred bien entendu, hein, qui a fait un travail remarquable, des chorales aussi qui s'intéressent à ces cantiques bretons. Et puis, et des associations comme le Danouette aussi, qui a enregistré plusieurs. Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans le travail du Danouette, là, c'est que c'est des cantiques chantés par la foule, hein. Et ça, c'est intéressant d'avoir ce rendu-là, parce que, et pas seulement par une personne. Voilà un tout petit tour sur les cantiques. Merci, Henri. On passe à la deuxième partie d'émission, Brezonec temps matin. Thank you. Alors on part à faire un petit tour à Zantolec et là, y a de l'animation parce que Yuan est en train de préparer pour le cidre. Voilà, Yuan est en train de faire le cidre, hein, comme d'habitude, hein, donc on va le voir chaque année. Donc Yuan, c'est Yuan Danteg, hein, qui habite à Kerizel, hein, et qui est marchand de cidre de son état, hein, qui est marchand artisanal, quoi. Et Chanik va à sa rencontre. Voilà. Salut Yuan, penons-moi en compte. Matré, Chanik, matré. Kroger de Borchistre. Ya, Bouedir. Pemzeuk Tesso, ou un croc de Zéria, Gwellere de Bernard, là, oisez. Là, Bourzo. Avalo de Zantolek, in tout. Ya, de Zantolek, peu de Splouderien. Quand piou ve Zéret, là, valao. Oh, grande famille, n'est que résies, peu dure, un mécanique Zéret, un d'arme vu, en de Zénal. Quand Pessar, avalo, ve Grélarchiste. Quand alo douce, alo huer, agalo trinque. Redeca de Hempwis, évidemment, Bergismat. Mais. Plaire-moi, Pressour. Ah, bah ça va, Durazé. De Tevel, Chanik. Et Chanik, bien sûr, elle va aller voir, puisqu'elle elle est curieuse. On aura ça la prochaine fois. Voilà. On va reprendre donc le dialogue, phrase à phrase, pour que tout le monde puisse bien le comprendre. Salut, Yuan, penosement compte. Demande oui, Chanik. Bonjour, Yuan, comment ça va? Matré, Chanik, matré. Matré, il est content. Kroger d'Oberschiste. Voilà, alors, Kroger, hein, d'Oberschiste, vous avez commencé à faire du cidre. Alors en breton, hein, c'est kregin, hein, krogin, hein, c'est accroché dedans. Hein. Donc voilà, vous avez commencé à faire du cidre. Kroger d'Oberschiste. Il y a un Chanik, Bouedder. Oui, Chanik, depuis hier. Pemzeuk Tesso, en krog de Zérin en Navarro. Voilà, alors on retrouve la même forme. Hein. Pemzeuk Tesso, hein, depuis 15 jours, Wem krog, nous avions commencé. Croque de Zéryaval a ramassé des pommes. Alors les pommes, hein, donc le mot aval, hein, qui est un très vieux mot, hein, qu'on trouve un vieux mot celtique qu'on trouve en anglais aussi, hein, apple ou en anglais, en allemand Apfel, hein, Apfel. Alors on trouve tout ça et c'est un mot donc en breton le pluriel c'est avalo, hein, Marie m'emmène avalo, hein, la chanson par exemple. Hein. Quand on a besoin d'un pied supplémentaire, mais nous on dit ah là ouais, on coupe un petit peu dans le coin ici quoi. Mais avalo est très bien compris aussi. Hein. Gwellery de Bernavalo, Azé. Ya. La Bourzo. Hein. Voilà, vous voyez le tas de pommes là, hein, là Bourzo, il y a du travail. Avalo de Zantolek, in tout, demande Chanik. Ce sont toutes des pommes de Zantolek, hein, et demande un peu l'appellation d'origine. Oui. Il y a de Zantolek à de Spouderien, répond Yuan. Oui, de Zantolek et de Spouderien. Et de Poudérien. Donc, Poudérien, c'est de l'autre côté du Blavet. Hein. Mais les pommes sont bonnes quand même. Quand Pio et Zéret en a alors, avec qui sont ramassées les pommes? Donc, qui ramasse les pommes? Quand Pio et Zéret en a alors. Quand la famille. Quand la famille. Avec la par la famille, hein, voilà. Nekerezies peguir en mécanique à zer en darvuon de un aval. Voilà. Nekerezies, c'est pas trop difficile. Plus dur en mécanique parce que, hein, peguir, hein, nous on dit plus dur, hein. En mécanique, la machine, hein, zer en darvuon de zenal. La machine ramasse, hein, la plupart des pommes, une darme vue, on a la majorité des pommes. Donc il reste juste à ramasser celles qui sont pas attrapées par comment la machine. Comment ça marche, ces machines-là? Ça les secoue les arbres, non? Ah non, ça c'est un autre système. Ça c'est pour faire tomber. Non, là ici c'est simplement, c'est une machine avec des doigts en caoutchouc qui ramasse les pommes. Bon, elle arrive pas à les ramasser toutes, hein. Ouais. Mais enfin, en gros, quand même. Il y a ça à Zantolek, quoi. Ah, il y a ça à Zantolek, oui. Oh, bah oui. Quand Pesseur Avalo Végret d'Archistre. Ah oui, alors avec quelle pomme, quand Pesseur Avalo Végret d'Archistre, avec quelle pomme on fait le cidre, hein? Alors Yuan répond, quand Avalo douce, Avalo huer, à Gavalo trinque. Voilà, donc avec des pommes douces, hein, donc des pommes sucrées qui vont donner beaucoup d'alcool, hein, parce que c'est l'alcool qui conserve le cidre, hein, comme toutes les boissons fermentées. Avalo huer, donc des pommes amères, hein, qui donnent cette... Donc, qui ont riche en tanins, qui ont donné cette amertume, hein, caractéristique. Agavalo trink. Alors, les avalo trink, c'est des pommes acides qu'on appelle un peu. Et trink, c'est un peu difficile. Il y a que ceux qui en ont mangé dans leur jeunesse qui peuvent vraiment définir ça, quoi. Mais nous, on voit très bien ce que c'est, quoi. C'est pas bon. Hein? Croquer, c'est pas bon. Ah, faut aimer, quoi. Faut être un peu habitué, quoi. Voilà. Redekaut, rampwez, vidamber, schistmat. Alors, il faut obtenir il faut avoir un équilibre pour faire du bon signe. Oui, pour revenir aux alotrinques, c'est ça qui donne la fraîcheur du cidre. C'est le côté désaltérant. Le côté désaltérant, voilà, alotrinque. Voilà, qui laisse le palais un peu sec. Là. Voilà. Oh. Mais Plermoire, pressoir. Mais où est le pressoir? Bah, ça va, dur. Asé. De ta journée. Oui, dans le bâtiment, là. Hein, mais venez voir Chandic. Ouais. Et donc, ils vont aller voir le pressoir. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Bon. Allez, on passe tout de suite à Petra Zonévé. Au revoir. Troisième partie d'émission, Petra Zonévé ar Voeri. Ma calze draug Zonévé bavro, jusmat, boer vejdi ouzan. Krogom de diantan vel custum, gant alar bourdouar hag ur vue war ar mez. Tramene de bremañ an an, hag aion ban diskar amzor. Ha ba mis gwen golo e bebra an amzor, tom un yol ma mez. Hag ze zo koz, bon e zo bed da skwer un aval ok jiz zo aiterz un rog, hag vo a bretor blam vidor jist. Après, si je vous, Huls, de Zéry en Trévad ou Diouzan, de l'Arde en Maïs, à Gerbetraves, à Manevec réglé ben, douar vos Estor Zéry en Maïs. Mais, mesons, vous bras en ambes en Roise Bétag. Hante remise, à Gansé, Matrezen, vos moyens de Zéry en Maïs, Matri. Bon, tramène des, revoir, Nebelien, bah, plaintel, Zévegret de l'Untien, tant de misère, et Bépla, hag az ezo be kalz dut a kalz diezek. Hag prestig vo c'hoaz voar dierien ba fin mis hag wezel oa c'hoaz oa l'er voar dierien oa voar plij di de neil mis du an de oa l'er gwen ol zen hag a vizel arad pizur ze oa ar vez di ouzan de gwer de verzo nebelion vizel arad ba voar plij di o nebel vi priz o hi. Bon, Gwegel, ou à Calze voir, y'a, hein, bah, la rue, ou voir, la rue, une gosse, bah, mis, hé, rêvé. Bon, vraiment, fait chute quand voir dire rien. Agar, zuroir, vos calze du droit, c'est vel bépla. Comme ce besoin de tombe de ce gis, vraiment, vos, presque, y'a un houls d'opper gis, puis dire, un aval, ou zobide, deux d'abrétor, terres, une abrétor. Vie de Blayoel, à cette bonne vos grèdes gis, ouas, hag breiz ve grèd nantor de ze gis ve grèd ma brovrance ve grèd breiz. Avant si, ils ont un dra bouez vie d'or vro. Hendel zo be kalz heureuse gant la bo rer yon douar ra ou ar dro légumache, peut-être zo kudé nou gant prise légumache, hag evel juste légumage sous bouise, une braise, un peu dur, et tient en rende vrau, vide légumage, brovrance. Spen nanteur de ce pinochette, goudrette pétrière, pinochette, un épinard, hein. Vegred en moins braise, à spen perrugen, dragon de ce whole fleur, de ce nartichoyo, à de ce charlottes. À cette UPVIs et la prise, et veulent juste, vers orgu de noise et vide, ovro. À grand, labourer yon douard, zo, sevel mors, zo, pcudé, noras, plusieurs reprises au, réis, les veulent juste. À gueve digas, de, qui mord de ze broyoel, bon, c'est-tu, zo, cudé, nous, ganzéroise. Bon, d'embrément, war, d'acheneur, politique, res, ma peçoine. Tramène, dit, or, votade, gué, vicambrégos. Cambrégos et Arsena, quoi. C'est au sens, mais bon, mais tu causes tout, mais, sens et Arsena, ou à Cambrégos. Ag, bon, change des entames trop, dur, leur mode, zo, et, gant, un tuguen, leur vejme. De l'aradez, aux jacobines de Zentuclay, une, roue de garde, de jacobines de Zentuguen. Bon, ag, d'où, jacobines de Zervos, une due, zo, des, de Barzivé. J'y vois zé ne chancho que calz drav id daz en ombro, de m'jonche, peut-dur, bon vec chilo que calz vretonet, war, daz en orvro, peut-dur ar a zo bed ar pez manifestad ag braz ben naunet, vid goul vef e bed had un vanye de breiz, da ral ar a de vijabis had stag de bro naunet de vreiz, a zo bed tregond mil dud ba, ba streid ou naunet, mais de bonnes grédant que vos goals aient fait du zendrasé. Plus dur, ne veut que de chilou et de pisvelard, d'ag, ang bras, meuse, heferois, ur maud, gand ur jacobine, gwar an dachens. Hendel, bah, département de, nodo en arvor, hein, mais vos changes d'or préfète, bon, zézou ma mesmaud, zé change à que calzdra, ur préfète pionnel. Bon, grédant que change aux calzdra. Bon, bon Hendel Bavroz au Berntrau, me mestra un trau hawarog, barostren, cinebreiz, vos rat prennent gant baroz, pe gant un ticker, ma peu soin, vide, 30,000 pem gant euro, hag dis, halo, cinebreiz, mon un dro, plus dur, neuskemeder, bakreiz breiz, bah, CCKB, ma peu soin, neuskemeder cinemaz, hag zezo un didu, vid un dun, me mestra, me dra au bouiz. Hag tram de oa cinéma war un dash un numéral, ne sku gwal belzo. A ze ne zlak kaz de frejo. Set u vid ar gev Rodriguez e rebondor bremañ. Hag ober a labourio da skouer war un doen. A dis vo pren gant un tiker, hag vo gred labourio gant un tiker. Bon, kom ze vekaz deus len gwer an ledan, plus dur, bah, d'où, bah, bla, d'où, vilpem, ce que vos scars et de laine, hag, gottez et zve, calze d'ouristet, à tudel, à tud de zevro, hein, bub sortu, de vel, de pesamo, de vos comptes, puis vos scars et de laine. Hendel, bah, ya, un drame, ce gwelet, hein, bah, gwen gam, zo, bé de zer et de mail, gant un ticker, puis dur, zo, dig, golo, un pé, dig, rusken, ma peçon, war Gwengam hag ur mail ve zo mail gret ba Gwengam hag bon ve rot un dud vek e gwerz da me rot ve d'un dud de regoz a bep sortut hein. Zezo un tamm bruder as vid ki ar Gwengam ma vilard e yar ki ar Gwengam pe dur zo Gwenan da bon hendel Igor, zo bet, zal ur gwell yo neve bagur un ul, un tamm pe bler, hein, pe barouz ara un tamm zal, me mestra, hag zezo bra, vid ur barouz. Pez, chanche dvo, peter wan hon de lar, adia, ya ba bro, gwellet ve tud deus bro China o ton ve genam zor bavro, am de veld un dachen, à ma treizaine, vos bonnes grèves, vos stalbras, bah, carrés, hein, vie de l'aise, zérad, hein. Mais ma treizaine, vos grèves, les ahels, stalio, vie de casse-bouit de brochine. Gwell vo pe sa mod vo kon. Hendel meus gwellet ba karnoet vo zo be de lake de c'hwerzan neve ba draunien ur zen. Hag ur rez e zan jawa, zan mode, arzel, edern, gwen a gwenole. Hag zera tre tout d'hant ur kant bremañ. Hag vo igor de... Nantor Kanzanze ben un eve amza. Hag se tu bon ma trezen te ikal zetud, hein, deja zo be kal zetud, hein, ba kar noet, hein, hag devel de ur zent. Bon, se tu mem gren on tamp tro war peso neve bavro, ben eve gel vo gre oaz. Ala an dar tienavo an, kenavo de Chiloé an. Kenavo Eric.